Rejoignez-nous dans ce voyage à travers le temps. Attachez vos ceintures. Février 1830. Première présentation de la pièce de théâtre Hernani de Victor Hugo qui déclenche la bataille d'Hernani. Février 1841, naissance du peintre français Auguste Renoir. Février 1525, défaite de François Ier à Pavie. Son règne permet un développement important des arts et des lettres en France. Sur le plan militaire et politique, le règne de François Ier est ponctué de guerres et d'importants faits diplomatiques.